un jour que ma grand-mère s'en allait à la poste, elle s'est faite piétiner par un tricératops. Ah ah ah, ah ah ah, on savait vivre en ce temps-là.